En ce temps-là, la vie des champs était plus rude qu'aujourd'hui, mais elle était plus belle. Les rapports entre les voisins étaient plus intimes. Les mœurs avaient encore quelque chose de patriarcal. La paroisse était une grande famille, tenant feu et lieu un peu partout, à la Grand-Côte et dans les concessions, sous l'œil du curé et des vieillards. L'industrie dormait. La machine n'avait pas remplacé les bras et la corvée fleurissait. Non pas la corvée humiliante et lourde de la féodalité, qui taillait le peuple à merci, mais la corvée de la liberté chrétienne, qui s'empresse à secourir la souffrance. Et parmi ces petites fêtes du travail, le foulage des étoffes de laine n'était pas sans originalité. La mère du vallon, qui portait allègrement ses 60 années, avait filé bien des aunes pendant les longues soirées de l'automne. Et toujours pour accompagner le grondement du fuseau, où se tordait le brin soyeux, un refrain d'ancienne chanson avait voltigé sur ses lèvres. Joséphine, debout devant le métier bruyant, avait tissé les étoffes nouvelles. Le bourdonnement du rouet, le claquement des marches sous des pieds vaillants, la course étourdissante de la navette sur la chaîne, le choc vif et dur des lisses sur la trame. Tout cela avait rempli la maison d'un bruit singulier, et ceux qui passaient devant la porte se détournaient pour voir un peu les bonnes ouvrières et mieux entendre les joyeux échos du travail. Maintenant, plusieurs pièces d'étoffe, roulées avec soin et recouvertes d'un drap à cause de la poussière, attendaient, au grenier, l'heure du foulage. Elle arriva. Quand les invités entrèrent, le grand chaudron pendait à la crémaillère, au-dessus d'une flamme vive, dans la vaste cheminée de la cuisine. Dans cette ardente lueur du brasier, avec sa robe de suie, il paraissait plus noir. L'eau dont il était plein commençait à frissonner sous les rayons de la chaleur. Et une buée légère, bientôt évaporée, cachait à demi le crochet de fer et les pièces enfumées de l'antique instrument. Dehors, sur des foyers de cailloux tout étroits, il y avait des feux de sarments qui pétillaient. Et sur ces feux, dans plusieurs ustensiles, l'eau bouillante chantait aussi. Une auge longue, profonde et large, comme un canot de voyageur, occupait le milieu de la pièce. Et tout près, à l'un des bouts de cette auge, on avait placé un dévidoir solide. Des bâtons de merisier ou de bouleau, dépouillés de leur écorce, durs et pesants, étaient rangés le long de la cloison. Mathias Padrolle était venu l'un des premiers. Il lui tardait de voir Joséphine, et de lui dire comment il l'avait trouvée jolie le dimanche précédent, quand elle avait fait la quête à l'église pour la chapelle de la Sainte Vierge. Il n'était pas toutefois sans éprouver un serrement de cœur, en songeant qu'il faudrait parler encore de Jean-Paul, son compagnon demeuré là-bas. « À l'ouvrage, mes enfants, commanda le père du vallon, voici les pièces d'étoffe qui descendent du grenier. Que ceux qui ont de bons bras prennent les rames, ajouta madame du vallon en montrant les rondins sans écorce qui faisaient des lignes claires sur le bleu sombre de la cloison. La première pièce se déroula lentement et descendit dans l'auge, pleine d'eau. Au nouvel arrivé, aux voyageurs des pays hauts, l'honneur de commencer, proposa Pierre Beaulieu, le premier voisin. Un murmure approbateur suivit. Mathias Padrolle alla prendre un des plus longs gourdins et vint se placer auprès de l'auge. D'autres firent comme lui. Ils étaient 6, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ils formaient la première escouade. D'un bras nerveux, avec leurs bâtons, ils poussèrent de ci de là, dans l'auge profonde, le tissu neuf qui s'imbiba d'eau chaude et devint très lourd. Ils chantèrent des chansons à la rame, des chansons au refrain cadencé que toutes les voix répétaient, et leurs bâtons, en poussant l'étoffe, s'enfoncèrent dans l'eau comme des avirons. Quand ils les relevaient, des gouttes brûlantes ruisselaient, comme des colliers de perles, avec un bruissement clair. Drôle de canotiers qui se tiennent debout en dehors de leur canot et plongent leur pagaie en dedans, fit une jeune fille avec un éclat de rire. C'est qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière, depuis que le père Chiniki a prêché la tempérance, répliqua l'un des fouleurs. Si les jeunes filles venaient nous aider à ramer, la barque irait plus vite, observa un autre. Et l'aviron peserait moins, affirma un troisième. Quelques jeunes filles des plus rieuses s'empressèrent de mettre leurs mains blanches sur les pagaies d'un nouveau genre, et l'étoffe roula sa couche humide avec un élan rapide. Des couplets d'un mouvement plus rapide accompagnèrent le murmure de l'eau tourmentée. Il y avait des moments de repos. Puis d'autres jeunes gens s'approchaient à leur tour de l'immense vaisseau où trempaient les aunes de drap neuf, et continuaient avec ardeur l'ouvrage commencé. On avait jeté dans l'eau chaude quelques morceaux de savon faits à la lessive, et des bulles où s'allumaient de douces lueurs semblaient sourdre comme des étincelles du fond noir de l'auge. Et une écume légère et blanche s'attachait comme une dentelle fragile aux longues parois. Parfois une aigrette humide se détachait du tissu, violemment secouée, et venait s'abattre sur une robe rose ou sur un gilet noir. Des rires éclataient, et la robe ou le gilet s'en allaient se sécher poétiquement à la flamme du foyer. C'est ainsi que Mathias et Joséphine, Robes et gilets largement éclaboussés s'appuyèrent au manteau de la cheminée. La flamme ondoyait, les vêtements séchaient, et les cœurs se réchauffaient. Tous les foyers bien attisés peuvent incendier les âmes sans brûler leur chétive enveloppe. Sur le grand dévidoir lentement tourné par des bras fermes, les zones d'étoffe s'enroulèrent, trempées, chaudes, fumantes, et l'eau tombait, en gouttes pressées, comme d'un nuage qui crève. Des femmes, un balai de cèdre à la main, essuyaient à mesure les ravages de l'ondée, et le plancher, sous le frottement des branches odorantes, prenait les clartés douces d'un brouillard au lever du soleil. Au travail succéda le plaisir, un plaisir fait de danse, qui roulait comme des tourbillons, de chansons lancées à plein gosier, de causeries jetées par bribes d'un bout à l'autre de la salle. Cependant, retiré dans un coin de la pièce, assis sur un coffre peint en bleu, près du lit de parade, dont les rideaux de toile tombaient jusqu'à terre, Mathias et Joséphine avaient longtemps parlé tout bas, comme des amoureux qui ont peur d'ébruiter leurs secrets. Albert Dupuis, le menuisier, qui avait bâti la maison du père du Vallon, un honnête homme et un bon ouvrier, avait jeté souvent de leur côté un regard inquiet et jaloux. Depuis longtemps, il aimait la jeune fille en silence et avec discrétion. Maintenant, il regrettait de ne pas lui en avoir parlé plus tôt. Le premier est toujours le premier. Il faut se reposer de la danse et des jeux comme on s'était reposé du travail. Il fallut calmer la faim qu'avait aiguisé l'exercice et la gaieté. Le réveillon survint. Il fut accueilli avec enthousiasme. Au dessert, après les chansons, Mathias fut prié de raconter quelque chose. Il parla de son retour.